Yeah! Sophie! Si, si, si, si, si, si, si! Ok! Yeah! Ok! Saphir tombé, voilà une aberration. La preuve en est sur mon introduction. Je mets les choses au point au bout de deux lignes pour pas qu'elle malentendu. Mon son dans les iPods, voilà ce qui est attendu. Je descends du MC et j'étale du vrai. Frère, c'est authentique, aïe, et c'est du frais. Bête de life en mode dirty, dirty. Air nocturne présent à l'âme, mon frère est dans la vie, mon gars. J'ai des débats, et je repars sans faire des carcars. Tel est mon plan de guerre et d'assimilation. Je te le répète, mon gars, Saphir, ça c'est du bon. Mon solo, pour exprimer toujours la même. Saphir, ça fait de l'effet, et c'est avec HKM. Unité vocale, et ça aime à la prod. Le récit d'un Saphir. Ouais, mon pote, je donnerai pas de date à mon album. Car cicatrice, un délibile marqué au critérium. Dans ces pistes, t'entends ma life. Que du vrai, tu me diras si à toi elle correspondait tant de morale. Si peu de prise en compte, tant de larmes je te raconte, mon gars. Tous mes mécomptes, c'est à toi que je me confie. Public collecteur de mon conflit accompli, et je complète tout mon état d'esprit. Saphir, ça fait réfléchir tout au long de la nuit. Saphir, tu racontes le pire qui peut arriver dans une vie, sans oublier que l'on ne vit qu'une fois. Alors autant en profiter chaque jour sans être sur la mauvaise voie. Sans quoi le regret sur toi tombe. Profite de ma réflexion et de chaque seconde. Et de chaque seconde. Et de chaque seconde, ça fait, ça fait, ça le fait. Avec de l'effet juste pour te faire kiffer. Sur ce son assoiffé de son fait. Parler la langue de feu, trop insatisfait. Malgré la simplicité du délire, un rap signé Saphir. J'arrive.